Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Alors, que j'ai intitulé « La sobriété énergétique ». Parlons de la sobriété énergétique au quotidien. Pourquoi ? Parce que on est en pleine actualité, hein, les gaz à effet de serre aujourd'hui continuent à se développer, hein, malgré une volonté politique. Politique, c'est vite dit, parce que finalement, elle n'est pas suivie des faits. Donc, de réchauffement climatique qui s'accentue et on tiendra pas le plus de degrés qui était prévu, mais on ira bien au-delà. Avec les conséquences, bien sûr, aussi bien sur le climat, sur la biodiversité, sur les cultures, etc. Voilà, alors... Peut-on se passer, par exemple, d'énergie nucléaire, par exemple, et puis envisager des énergies alternatives, surtout pour la production d'électricité ? Eh bien, pour certains, c'est simple, il faut d'abord et avant tout économiser l'énergie, puisque les économies d'énergie, c'est vraiment un gisement à examiner le plus rapidement possible. J'ai trouvé un article dans une revue qui s'appelle Faire, d'une personne qui est un retraité électricien et qui pratique la sobriété énergétique au quotidien. Que dit-il ? En lisant votre dossier sur la transition énergétique, j'aimerais ajouter cette question. Est-il possible de diminuer considérablement nos besoins tout en ayant un mode de vie digne du XXIe siècle ? Au risque de heurter les idées toutes faites, je puis affirmer que cela est possible, au moins ce qui concerne l'électricité, moyennant quelques adaptations, attitudes et petites modifications techniques. Nous pouvons diviser par 15 la consommation moyenne d'électricité par personne, tout en bénéficiant d'une bonne part du confort moderne. Ces résultats sont à la portée de chacun d'entre nous. C'est ce que dit donc ce Robert, qui est retraité électricien. Afin de rendre compte de mes affirmations, voici les différentes données sur l'évolution de mes consommations et de mes usages de l'électricité. Évolution des consommations. Pour une personne, de 6 mois en 6 mois, après relevé de compteur et vérification, poste par poste, avec un wattmètre, afin d'éviter toute erreur. En 2014, 258 kW, premier trimestre, puis 171 au deuxième trimestre. En 2015, 146 kW, premier trimestre, puis 117 au deuxième trimestre. En 2016, 106 kWh, premier trimestre, puis 89 kWh, deuxième trimestre. En 2017, 77 kWh, premier trimestre. Ceci en utilisant un chauffe-eau électrique, procédé DLP pour la douche. Un petit four électrique pour cuire 3 kg de pain toutes les 3 semaines. Une machine à laver 5 kg à raison d'une lessive par semaine à 40 degrés. Un réfrigérateur 90 litres, A+, c'est-à-dire la meilleure consommation énergétique, enfin la plus faible, réglée sur un radio CD, un VMC modifié, une pompe pour le jardin, tout l'éclairage par LED, un extracteur de jus, un mixeur, un moulin électrique, un chargeur de téléphone, perceuse, scie sauteuse, disqueuse, un usage occasionnel. À titre indicatif, pour celles et ceux qui en veulent plus, ajoutez pour 6 mois par personne, environ 20 kWh pour 2 à 3 heures d'ordinateur portable. Environ 10 kWh pour 4-5 heures, jours de tablette. Environ 15 kWh pour 2 heures, jours de TV 60 cm. Attention aux écrans plus grands. La consommation augmente, bien entendu. Je suis prêt à partager gracieusement, dit ce retraité, mon expérience et savoir-faire à ce sujet. De plus, j'aimerais qu'il soit créé une association dont le but serait de démontrer qu'il est possible de stimuler efficacement la sobriété énergétique par un dispositif encourageant la diminution des besoins en énergie et pénalisant l'ébriété énergétique. Afin d'interpeller nos concitoyens et nos politiques à agir dans ce sens avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc, c'est un témoignage, bien entendu, hein, c'est une façon de faire, c'est un encouragement pour ceux qui veulent vraiment économiser l'électricité. On pourrait aussi multiplier, bien sûr, les économies d'énergie. Hein, quand on voit la débauche énergétique que constituent, par exemple, les éclairages de nuit, hein, on peut quand même les diminuer. Pourquoi pas prévoir des panneaux solaires qui pourraient alimenter, par exemple, l'électricité des rues. Hein, parce qu'on ne peut quand même pas tout supprimer si on veut rester quand même dans une... Si on veut rester dans une sobriété énergétique. On peut effectivement multiplier les exemples, hein, puis tous ces magasins, ces grands ensembles qui sont éclairés la nuit, etc., et qui ne devraient pas l'être. Ces panneaux aussi qui sont en tire-l'œil, qui constituent des risques. Hein. On voit un supermarché, par exemple, qui est local, pratiqué avec des panneaux lumineux. On pourrait quand même limiter ce type d'installation, hein, qui est finalement nuisible. Nuisible pour tout, aussi bien au point de vue consommation énergétique que pour la circulation automobile. Voilà, c'était une petite contribution, si on peut dire, à ce problème d'énergie électrique qu'on peut diminuer avantageusement. Et puis, on pourra parler un autre jour, bien sûr, de ce réchauffement climatique et puis comment diminuer les consommations, y compris d'automobiles. Mais on n'est peut-être pas dans la bonne voie puisque, de toute façon, on a plutôt tendance à diminuer les transports en commun ou à les payer plus cher que les développer actuellement. Alors que là encore, il faudrait quand même limiter une bonne fois pour toutes la circulation automobile. Que dire encore des transports internationaux, des transports de plaisance. Hein. Paraît-il qu'un gros paquebot consomme à peu près la valeur énergétique de fuel de 1 million d'automobiles. Je ne sais pas, je vais relever ce chiffre quelque part, ça mérite d'être vérifié. Mais enfin, là encore, on pourrait quand même prévoir des installations solaires, diminuer quand même cette consommation qui est particulièrement énergivore et très polluante par rapport au point d'attache de ces gros paquebots. Voilà, de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.